La passion de Madame Wagner, de Christophe Fiat. Mon divorce avec Hans est enfin prononcé. Il est certainement le plus grand chef d'orchestre de sa génération et l'élève le plus prometteur de mon père, mais c'est fini entre nous. Le 25 août 1870, je me remarie avec Richard Wagner à l'église protestante de Lucerne. Je porte une très jolie robe de dentelle. Puis, la France déclare la guerre à la Prusse, et c'est mon beau-frère, Émile Olivier, l'ex-mari de ma sœur, qui annonce le début des hostilités à la tribune du Palais Bourbon. Il est le président du gouvernement impérial. Je suis inquiète. Je demande à Richard ce que nous réserve l'avenir. Il me répond que les dieux sont en colère contre les Français, qui sont la pourriture de la Renaissance. Il dit aussi qu'ils sont vantards et menteurs, et qu'il a écrit à Bismarck pour le prier de détruire Paris à coups de canon. J'envoie de nombreuses lettres à ma mère. Nos échanges sont tendus. Son admiration pour Émile Olivier est sans faille, autant que ma haine de la France est croissante. Puis, Richard compose une farce, une capitulation, dans laquelle une horde de Parisiens affamés déferle dans les rues, pendant qu'une caricature d'Offenbach leur joue une musique qui les fait danser. Tout le monde y passe, même Victor Hugo. Puis, c'est Noël. On invite Nietzsche. Une chambre lui est réservée. Je l'appelle « chambre à penser ». L'intimité de cette soirée, dans un foyer chaleureux avec les enfants, est délicieuse. Nous bavardons pendant des heures en buvant du champagne. Le lendemain matin, c'est mon anniversaire. Je suis réveillée par une musique d'amour, tendre et intime, que Richard a composée pour moi. Il entre dans ma chambre avec les enfants et me remet une partition intitulée « Hommage symphonique d'anniversaire ». Quand il l'entend, Nietzsche dit que c'est une musique gaie et profonde, comme un après-midi d'automne. Il a raison. C'est une mélodie composée de motifs de la partition de Siegfried. Elle m'est dédiée. Elle m'appartient. Quelle femme peut se vanter de recevoir pareil cadeau d'anniversaire de la part de son mari? Je lui dis sur un ton romantique « Laisse-moi mourir ». Richard me répond « Il est plus facile de mourir que de vivre pour moi ». De son côté, Nietzsche m'offre le manuscrit de son premier livre, « Naissance de la tragédie ». Le soir, il m'en lit un extrait à voix haute. Quel plaisir! Puis, les jours suivants, il nous annonce son intention de renoncer à l'enseignement afin de se consacrer entièrement à l'œuvre de Wagner. Bien que flatté, Richard lui répond qu'il ne peut pas sacrifier sa carrière pour lui. Puis, ma mère arrive de Paris. Elle n'est pas la bienvenue en raison de nos divergences politiques. Qu'allons-nous nous dire? Elle est très malade. Il y a quelques mois, elle a eu des crises de démence et elle a été internée. On lui a même passé la camisole de force. Ce qui ne l'empêche pas de continuer d'écrire et de fréquenter le monde des arts et des lettres et de tenir salon. Elle est soignée par le docteur Blanche. Elle est toujours aussi belle, mais son visage s'est durci. Quand je la vois, je n'éprouve aucune émotion. Pour moi, elle est vraiment devenue une étrangère. Nos échanges sont exclusivement intellectuels. Agréable, mais sec. Nous parlons de Lamartine et de littérature. Puis, le jour de son départ, alors qu'elle me serre dans ses bras, j'ai l'intuition que c'est la dernière fois que je la vois. Quelques mois plus tard, j'apprends qu'on lui a de nouveau passé la camisole. Ça y est, la France capitule. Et j'exulte. Quel soulagement. Richard parle de la suprême vertu virile qui manque aux Français, l'obéissance. Guillaume Ier est proclamé empereur d'Allemagne à Versailles et Richard compose une Kaisermarsch en son honneur. Mais lorsqu'il propose d'écrire une œuvre en hommage aux soldats tombés au front, on lui répond que ce n'est pas son affaire. Puis il se met en tête de trouver un théâtre pour créer l'intégralité de l'Anneau des Nibelung sur 4 journées. Une pour l'Or du Rhin, une autre pour la Valkyrie, puis Siegfried et le Crépuscule des Dieux. Depuis quelque temps, Richard pense à l'opéra de Bayreuth. Cette petite ville de Bavière compte 17 000 habitants. Il aime ses coteaux doux, ses bois, ses champs et ses châteaux. Ça lui plaît qu'elle soit difficile d'accès. Il ne veut pas de touristes, ni un public de ville d'eau. Il ne veut que des gens acquis à sa cause. Le 16 avril 1871, nous y allons ensemble. Nous arrivons en fin d'après-midi. Je trouve la ville très belle au soleil couchant. Mais malheureusement, il tombe malade. Au milieu de la nuit, il a de la fièvre et des frissons. Alors je fais chercher un médecin. Je me demande, très angoissée, est-ce que c'est un signe du destin? Est-ce que c'est un avertissement? L'homme dit, comme la vie est bizarre. Qui aurait pu prévoir que cette nuit je ferais la connaissance de Richard Wagner? Vous êtes bien Richard Wagner, le très spécial Richard Wagner. Richard lui répond, vous voulez dire, celui qui a écrit quelques jolies petites choses? Oui, c'est moi. Et ils éclatent de rire. Le lendemain, il est sur pied et nous visitons l'opéra. C'est un pur bijou, construit par la margrave Wilhelmine, sœur de Frédéric II, qui avait du goût et de l'esprit. Derrière une façade austère, tout le baroque à la française se déploie dans un ruissellement d'or et d'azur. Mais très vite, je me rends compte qu'il est trop petit et qu'il n'est pas possible de donner ici l'intégralité du ring. Je lui en parle, il est d'accord. Alors, comme il ne veut pas renoncer au site, il a l'idée de faire construire un nouvel opéra, pierre par pierre. Très vite, nous trouvons des soutiens chaleureux. Le maire de la ville et un banquier approuvent le projet. Ils sont fascinés par Richard et ils me font des grâces et je leur en fais en retour. On nous offre un terrain où construire le théâtre. Mais quelques jours plus tard, nous apprenons que le propriétaire refuse de vendre. Peut-être qu'il n'aime pas la musique. Richard explose et menace d'abandonner. Le banquier propose un autre terrain situé sur une colline, mais Richard n'en veut pas. Alors je le laisse reprendre ses esprits et j'arrive à le convaincre. Il décide alors d'appeler ce nouveau projet « Festspielhaus ». Il en fera lui-même les plans et il en aura l'entière juridiction. Dans un premier temps, Richard annonce officiellement que le premier festival aura lieu en 1873. Ses admirateurs manifestent leur joie. Ils trouvent exaltant la création d'un festival de musique spécial Wagner pour le nouveau Reich. Quand il apprend la nouvelle, Louis II a une réaction contradictoire. D'un côté, il dit à Richard « Votre plan concernant l'exécution des Nibelungen à Bayreuth est véritablement divin. » Et d'un autre côté, il confie à un ministre « Je déteste le plan de Wagner. » Alors l'argent devient notre problème principal, malgré la création d'un comité Wagner qui tente vainement de vendre 3000 actions de 300 thalers. Il me dit « Encore une fois, Cosima, nous essayons de faire quelque chose pour la patrie allemande, pour Bayreuth. » Si nous ne réussissons pas, alors adieu le Nord, adieu l'art et les ciels de pluie. Nous irons nous promener en Italie et nous oublierons tout. Je lui réponds, reprends les concerts, ça stimulera les donateurs. À Berlin, il dirige la 5e de Beethoven et des extraits de ses propres œuvres. Guillaume Ier et l'impératrice sont dans la salle. Fatigué et exaspéré, il me délègue ses obligations sociales. Je redouble d'un ton grand seigneur. Nous sauverons l'art allemand. Nous construisons pour la nation. Vous avez le devoir d'y contribuer. Ce « nous » en séduit quelques-uns et fait fuir les autres. Tant pis. Oui, je me prends pour une institution nationale. Non, le Festspielhaus ne me monte pas à la tête. Oui, je suis maintenant Madame Richard Wagner, et je suis une protestante, et je suis aussi persuadée que pendant la guerre de 1870, la réforme a sauvé l'esprit allemand. Oui, j'aime tout ce qui est allemand, parce que c'est la nation de la musique, et qu'ici, musique veut dire Wagner. Oui, je veux que mes enfants soient des Allemands véritables. Le maire de Bayreuth et le banquier redoublent d'efforts. Ils exhortent Richard à poursuivre son aventure. « L'argent ne rentre pas. Continuez, disent-ils. Continuez et vous vaincrez. » Là, sur la colline, par tous les temps, Richard parle avec les architectes, les entrepreneurs, les avocats, les actionnaires. Il ne dort plus. Il est harassé et il a la goutte, un érysipèle et un catarrhe. Mais il a plus d'énergie à lui seul que toute l'équipe. Aujourd'hui, la première pierre du Festspielhaus est posée. La cérémonie se déroule sous la pluie. Richard donne 3 coups de marteau et dit Sois bénie, ma pierre, reste debout longtemps et tiens bon. » Elle pleure. Il est livide. À 5 heures de l'après-midi, il y a un concert. 300 personnes se retrouvent dans un banquet à l'Hôtel du Soleil. C'est moi qui le préside. Ce jour-là, j'ai un avant-goût de ce que sera mon existence jusqu'à ma mort. J'écoute 20 discours interminables. Je passe la main dans le dos de chaque actionnaire, acquis ou potentiel. J'assiste à la conférence donnée par le directeur technique, Karl Brandt. Je fais aussi une interview à un journal britannique. Je suis consciencieuse, irréprochable et aussi anéantie et triste parce que mon père a refusé de venir. Alors, le lendemain, nous décidons tous deux d'aller le voir à Weimar. Il est heureux de notre visite. Je déteste sa nouvelle femme, la princesse Caroline. Ça me rend triste de découvrir qu'il s'entiche de créatures autoritaires. Il joue un concerto de Beethoven, des préludes de Chopin, et aussi sa Mephisto Vals que Richard exècre. Dans le train qui nous ramène à Bayreuth, il me fait une crise de jalousie. Il me dit que quand je suis avec mon père, il se sent exclu. Je fais les comptes. Sur 400 000 thalers, seuls 130 000 ont été récoltés. Richard, la mort dans l'âme, décide de repousser la date du premier festival. Cette éternelle chasse à l'argent, qui résume toute la vie de Richard, prend des airs de tragédie. Pourquoi est-ce si difficile d'en avoir ? C'est le seul vrai leitmotiv de toute son existence. Il y a l'amour, moi, l'art, sa musique et ses poèmes, et l'argent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Heureusement, une milliardaire américaine apparaît. Elle lui propose de composer pour 5 000 $ une marche solennelle à l'occasion du centenaire de l'indépendance américaine. Il accepte. Ce sera une musique stérile et tonitruante. Il fait aussi rentrer 5 000 thalers à l'occasion d'une représentation de Tristan et Isolde à Berlin, grâce à l'empereur qui ordonne que le bénéfice de la soirée soit intégralement versé au fond du festival. Mais ce n'est pas suffisant. Alors je lui suggère de se tourner une fois de plus vers Louis II et de lui dire ce qu'il a sur le cœur. Il lui écrit que la riche noblesse allemande n'abrite pas l'esprit allemand parce qu'elle préfère consacrer son argent à des projets juifs et jésuites et que le salut ne pourra venir que du roi s'il garantit la somme requise pour sauver Bayreuth de la catastrophe et qu'un prêt pourrait être consenti. Dans l'attente de la réponse, il est anxieux et je suis pessimiste. Le roi refuse de payer. Le lendemain, les entreprises de bâtiments menacent de fermer les chantiers. Alors, je décide d'investir dans le festival. Voilà, il est temps. Je mobilise les économies que j'ai gardées pour la dot de mes filles. C'est de l'argent économisé sur la rente que me versent mes parents, ma mère sur son héritage, les banquiers Bettmann à Francfort, et mon père sur ses cachets de vedettes et ses honoraires. C'est alors que nous recevons une nouvelle lettre de Louis II, et l'incroyable se produit. Richard refuse de l'ouvrir pour ne pas être déçu. Je la lis rapidement et lui résume ainsi la situation. Étant donné l'état de ses finances, tel qu'il doit retarder ses propres réalisations, il a hésité longtemps à accorder sa garantie, mais il va néanmoins cautionner une avance de 100 000 thalers. Nous sautons de joie. Ça y est, le festival est sauvé. Une autre bonne nouvelle. Nous emménageons enfin dans notre maison. Richard la baptise Wanfried, ce qui signifie « paix des illusions ». Le 2 août 1876, le travail régulier de répétition débute. Richard a tout planifié pendant des mois. Il commence par l'or du Rhin. Il a repris des forces. Il se démène tellement qu'on fixe au sol les pieds de sa table pour ne pas qu'il renverse la lampe à pétrole et ne mette le feu. Il joue tous les rôles et bondit d'un point à l'autre de la scène et multiplie les plaisanteries pour décontracter les interprètes. Il persuade les chanteurs de travailler comme des débutants et insiste auprès de Richter pour que l'orchestre fasse sortir une musique dans un flot mélodique continu. Mais son travail ne s'arrête pas là. L'utilisation de la machinerie de scène est compliquée et il doit sans cesse être sur le chantier pour remédier à des erreurs de construction. Il a aussi inventé un procédé acoustique révolutionnaire qui nécessite une grande application de la part des ouvriers. Grâce à un jeu d'écran, le son de l'orchestre ne va ni vers le public ni vers la scène, mais frappe le plafond de bois qui le renvoie au spectateur en l'unifiant et l'adoucissant. Les voix pourront parvenir ainsi directement à l'auditeur, de sorte que tout ce qui est dit sur scène sera perceptible. Ça produira un résultat unique au monde. Alors, il a les nerfs à vif et un abcès à une dent. Je fais comme je peux pour apaiser sa douleur, mais il en veut à tout le monde, aux ténors qui sont stupides, aux barytons qui sont prétentieux, et il me rabroue constamment. Maintenant, il crache du sang, et il a un furoncle à la jambe et des crampes à l'estomac que le médecin diagnostique comme étant de l'aérophagie. Ma santé est convenable, en dehors de mes yeux qui me brûlent, mais je suis irritable. Cette vie me rend hautaine et méprisante. Je confonds pudeur et respect. Je me protège comme je peux. J'espère ne pas devenir aussi mondaine que ma mère. Voilà, Bayreuth m'absorbe et me consume. Puis, Louis II demande à avoir une photo de la famille au complet. Je lui envoie une lettre pour lui dire qu'après toutes ces années écoulées, si lourdes en procès, je me décide aujourd'hui à parler parce que les mots m'assaillent avec la force de la nature et que je suis incapable de contenir le flot de gratitude que j'éprouve pour lui à cet instant. Je finis ainsi. Puis j'espérais que notre royal seigneur sera assez bon pour comprendre les raisons pour lesquelles j'ai gardé le silence et je dois parler maintenant. Puis je comptais que vous accepterez mes pauvres mots, la seule chose que je puisse offrir. Votre affectueux désir d'avoir nos photos me remplit d'espoir et de foi. Ici, noble protecteur, ici sont les portraits de ceux dont vous avez pris soin et qui vous aiment pour toujours. Qui pourrait dire tout ce que votre bienveillance a signifié pour nous ? Il a compris. Il arrive à Bayreuth une semaine avant le début du festival fixé au 13 août 1876. Son train déboule en rase campagne au clair de lune, à minuit. Les étoiles brillent. Richard l'accueille avec le directeur des chemins de fer et des paysans de Rolvenzell. Je lui ai conseillé de porter un habit sombre et une veste blanche. Ils font les 100 pas jusqu'à ce qu'apparaissent au loin 3 wagons, un fourgon à bagages et un autre wagon pour les domestiques. Louis II descend et avance sur un chemin spécialement aménagé, précédé par un valet à cheval qui tient une lanterne. Quand les deux hommes sont face à face, ils se serrent la main. Il y a exactement 8 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ils sont émus. Ils ont beaucoup changé. Richard a peu vieilli, malgré ses ennuis de santé et sa vie épuisante de représentant de commerce. Louis II, qui a 31 ans, est détruit. Il a grossi. Une barbe dissimule son visage. Son premier mot est pour moi. Il dit à Richard qu'il veut me voir avant la générale de l'or du Rhin. Puis, il monte en voiture, direction l'Ermitage, l'une des demeures princières construites dans la rocaille. Le lendemain matin, Richard l'accompagne jusqu'à la loge royale située au fond de la salle. Et le spectacle commence devant 1800 places vides. Il est subjugué par cette architecture. C'est une merveille d'ingéniosité. Tout est en bois, y compris les fauteuils qui ne sont pas rembourrés et qui n'ont pas d'accoudoir, ce qui oblige le spectateur à être attentif. La représentation se passe bien, et Louis II dit « La langue est trop pauvre pour exprimer dignement mon enthousiasme et mon sentiment de profonde gratitude. » Puis, Richard lui explique que pour bien être imprégné du son, il faut qu'il y ait du monde dans la salle. Malgré sa peur panique de la foule, Louis II accepte d'assister à une représentation de la Valkyrie en public dans l'après-midi. Il est bouleversé. Il découvre que Richard n'est pas seulement un compositeur et un poète, mais aussi un sculpteur de son. Puis, Il retourne à l'ermitage et se promène dans le parc en compagnie de sa suite, et chante et ordonne de faire marcher les jets d'eau relayés par des feux de Bengale. Le lendemain, il assiste aux représentations de Siegfried et du crépuscule des dieux, et il reprend le train pour son château de Neuschwanstein. Il repart comme il est venu, dans la nuit. Le festival commence le 13 août 1876. C'est une date historique parce que c'est le premier festival au monde de cette envergure. Et il y en a eu d'autres avant, en Angleterre et en France, à l'instigation de Berlioz et aussi en Allemagne, grâce à mon père. Mais c'est le premier dont le but n'est pas seulement d'être une manifestation exceptionnelle qui favorise une communion entre les musiciens et le grand public, c'est aussi un lieu de rassemblement. C'est ainsi qu'en plus de voir défiler Louis II et Guillaume Ier disant « Wagner, je ne croyais pas que vous y parviendrez », il y a aussi Dom Pedro II du Brésil et le roi du Württemberg, Saint-Saëns et Gounod qui viennent de France, Bruckner d'Autriche, Tchaïkovski de Russie, Grieg de Norvège, et des peintres, des gens de théâtre, des historiens et des écrivains. Il fait une chaleur étouffante. Dans les auberges, on se bat pour avoir une table et pour être servi. On vend aussi des anneaux du Nibelung et des cravates Wagner. C'est la fête, et j'aime ça. Mais à l'heure dite, le calme revient aux alentours du théâtre de briques rouges, planté dans un jardin à flanc de colline, et l'or du Rhin commence. La fête se continue joyeusement sur scène parce que Betz, le baryton, perd son anneau et doit retourner en coulisses pour en chercher un autre. Puis le rideau se lève trop tôt et laisse apparaître les machinistes en bras de chemise et tous les changements de décor sont ratés. Si bien qu'à la fin, alors que les spectateurs trépignent de joie pendant une demi-heure et l'ovationnent, Richard refuse de se montrer parce qu'il est en colère. Ensuite, il rentre à Wanfried en insultant tout le monde et se calme enfin après la visite de l'empereur du Mexique. Il me dit alors que tout était faux et que l'année prochaine, il faudra tout changer et qu'après avoir inventé l'orchestre invisible, il faudra qu'il invente le théâtre invisible. Il trouve inadmissible le prix des billets. 20 marks, c'est trop cher. Il me raconte qu'il y a 20 ans, il avait imaginé un festival au bord du Rhin ouvert aux ouvriers, avec pour seule architecture une cabane en bois à brûler après les représentations, les partitions y compris. Puis, on part en Italie pour récupérer de la fatigue du festival et échapper à l'humidité de l'automne bavarois. Mais les soucis nous poursuivent. Alors qu'on arrive à Vérone, on apprend que les premiers comptes du festival font apparaître un déficit de 148 000 marks. Cette nouvelle est terrible, parce que ça supprime tout espoir de pouvoir recommencer l'année suivante sur les mêmes bases financières et de pouvoir présenter l'anneau des Nibelung sous une forme corrigée. À notre retour à Bayreuth, il rédige une lettre pour appeler à la formation d'une association destiné à patronner l'entretien et la perpétuation du festival. Il déclare que si encore une fois ça échoue et qu'il ne peut pas combler le déficit, nous partirons aux USA après avoir vendu le théâtre. Il me dit « Si aujourd'hui un nouveau Crésus américain ou un Crassus mésopotamien me léguait des millions, il est évident qu'on les mettrait sous la curatelle du Reich et qu'on ne tarderait guère à danser des ballets sur mon tombeau. » Il a 64 ans et il court toujours après l'argent. C'est pénible pour moi et les enfants. D'autant que je n'ai plus d'économie à part l'héritage de ma mère que je n'ai pas touché. J'appelle ça héritage pour me rassurer, mais ce n'est pas exact. En fait, il s'agit de ma dot qu'elle ne m'a jamais versée. Depuis 20 ans que je l'attends, je n'en ai jamais vu la couleur. Puis, sous la pression du conseil d'administration, Richard accepte une tournée en Angleterre. Je l'accompagne. Il dirige 8 concerts conjointement avec Richter au Royal Albert Hall. Malgré l'affluence, les résultats financiers sont décevants. On revient avec seulement 700 livres, soit un dixième du déficit de Bayreuth. Le sort en est jeté. Il n'y aura pas de deuxième ring à Bayreuth. Mais le banquier a une idée. Que le Théâtre Royal de Munich consente à une avance sur droit d'auteur de 10 000 marks par an. Ça marche. Louis II donne aussitôt son accord et les dettes sont payées. En ce moment, Richard boit beaucoup. Il mélange le cognac et la bière et le champagne. Il a des insomnies et il a mal aux intestins. Quand il travaille, tout va bien, mais quand il arrête, sa carcasse proteste. Alors je fais avec lui de longues promenades. Les enfants nous accompagnent. Daniela est moins dure et Blandine sait se rendre charmante. Eva est parfaite et Isolde a des problèmes de colonne vertébrale et ça la rend sombre et difficile. Ça y est, Richard a fini d'écrire le livret de Parsifal et comme il a besoin de repos, nous repartons en Italie dans un train privé avec wagon-salon pour toute la famille. Dès qu'il est à bord, il écrit à Louis II que cette location coûteuse a aplati sa bourse et que ce serait bien qu'il lui octroie une subvention supplémentaire. Le roi accepte, en précisant qu'aucune pression sur lui et sa famille ne sera exercée pour qu'il retourne, dit-il, dans la froidure de l'Allemagne. À notre retour, il se met à écrire la musique de Parsifal et je cherche des fonds pour les représentations. Richard confirme à Hermann Lévy qu'il compte sur lui pour diriger cet opéra. Il lui dit « J'aimerais trouver la formule qui permettrait que vous vous sentiez complètement parmi nous et comme nous. » Le chef d'orchestre répond « Je suis heureux, cher ami, qu'en ce qui concerne la production de votre grande et sainte œuvre, vous ne fassiez pas de distinction entre chrétiens et juifs. Il n'y a rien de plus écœurant et de plus indigne que les disputes de ce genre. » À la fin, tous les hommes sont frères, quelle que soit leur différence religieuse. Nous nous étranglons à la lecture de cette lettre. Et Richard répond que, pour nous, les Juifs sont une expérience, alors que pour lui, ils sont une idée. Lévy vient habiter Wanfried. Mais, au bout de quelques jours, une lettre anonyme crée un incident. On nous demande de préserver la pureté du travail de Richard en ne permettant pas qu'il soit confié à un juif. On m'accuse aussi d'entretenir avec lui des relations sexuelles. Tout cela nous fait rire, mais Lévy est furieux et il fait aussitôt sa valise. Richard lui envoie un télégramme pour qu'il revienne immédiatement, pour l'amour de Dieu. Il lui écrit aussi qu'il ne doit rien perdre de sa foi et de sa force et de sa confiance en nous. Et qu'il est son chef pour Parsifal. Alors, il revient. Les préparations du deuxième festival de Bayreuth commencent. 14 représentations de Parsifal sont prévues. J'assiste à toutes les répétitions et je suggère des changements dans la mise en scène. Je connais par cœur chaque mot du texte et chaque note de la partition. Les artistes, stimulés par la direction de Richard, acceptent mes interventions. J'écris dans mon journal intime « Je me sens comme dans un rêve. Je ne parviens pas à comprendre comment cela est arrivé, que je sois récompensé du bonheur de l'assister. » d'être intégré à son travail. C'est vrai, nous n'avons jamais été aussi heureux. Puis tout à coup, c'est la panique. À l'occasion d'une répétition, Richard se rend compte qu'il manque quelques minutes de musique et il hurle « Eh bien, il va falloir maintenant que je compose au maître !» Alors, un jeune musicien s'assied et introduit lui-même une variation avec quelques mesures de transition. Richard accepte, à mon grand étonnement. Ensuite, nous apprenons une nouvelle désagréable. Le roi ne viendra pas. Le 26 juillet 1882 commence le deuxième festival. Les rues sont pavoisées. Toutes les auberges sont bondées. Et les serveuses des auberges se font même appeler Kundry, l'héroïne de Parsifal. Dans des boutiques, on peut acheter des stylos Wagner. Et un vin baptisé « Boisson magique de Klingsor » fait fureur. Partout, il y a de longues files de fiacres et mon père est présent, entouré de son petit groupe d'élèves. Parsifal est une apothéose. Épuisé malgré un tel succès, Richard me dit qu'il ne veut plus jamais d'applaudissements pour Parsifal et qu'il ne souhaite plus qu'une chose, mourir. Sur le coup, je crois qu'il plaisante ou qu'il me provoque. Mais il dit vrai. Il sent que sa fin est proche. Blandine se marie et nous repartons en Italie. À Vérone, nous essuyons une violente tempête qui emporte le pont sur l'Adige une demi-heure après notre passage. Le lendemain, après une nuit d'orage, on arrive à Venise et on aménage dans le palais Vendramin Calergi. C'est une superbe demeure de 15 pièces, dans un décor somptueux, fait pour plaire à Richard. Alors, une comète passe dans le ciel, le 31 octobre, et je me dis que c'est un présage. Je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais c'est clair qu'il va arriver quelque chose d'irréversible. De plus, Richard a rêvé que je frôlais la mort. 3 semaines plus tard, mon père arrive. Il agite la maison en entraînant dans son sillage un prince mexicain. Ça exaspère Richard. La tension est à son comble entre les deux hommes. Quand il joue au whist, c'est pire. Mon père gagne souvent, ce qui le met aussi en colère parce qu'il déteste perdre. Un soir, une scène éclate. Richard lui fait écouter un extrait de Tristan et Isolde qu'il vient de remanier et dit « Si nous écrivons des symphonies, Franz, il ne faut plus de thèmes parallèles. Cela, Beethoven l'a épuisé. Il nous faudra filer une mélodie jusqu'à la fin, mais plus rien de théâtral. » Pour toute réponse, mon père lui fait écouter une nouvelle œuvre, la lugubre gondole. C'est une élégie qui se joue avec le même balancement à la main gauche, décrivant le tangage d'une gondole, qui fournit l'accompagnement irrégulier sur lequel la main droite fait flotter 2 trinodies contrastantes. Richard lui dit qu'il trouve cela dissonant, et il se fâche. À surprendre des bribes de leur conversation, je décèle dans les paroles de mon père quelque chose de visionnaire qui ne touche pas seulement à la musique, mais aussi à ma vie. Ensuite, on fête mon anniversaire au théâtre de la Fenice. Richard fait jouer une symphonie qu'il a composée en 1832, et à la fin du concert, tous les instrumentistes m'acclament. C'est éblouissant. Richard dit à mon père « Tu aimes ta fille ?» Mon père de sursauter, et Richard reprend « Alors, assieds-toi au piano et joue. » Ce qu'il fait sur le champ pour ma plus grande joie. Quelques semaines plus tard, un nouvel incident éclate. Mon père emmène Daniela dîner chez un ami et il rentre tard. Richard l'accuse de compromettre la jeune fille. Je me rebiffe parce que je trouve qu'il exagère, mais rien n'y fait, il est brutal. Le lendemain, nous ne nous parlons pas. L'atmosphère est toujours aussi tendue entre Richard, qui est à vif, et mon père, qui est nonchalant. J'en ai assez qu'il se plaigne de vivre dans des chambres trop exiguës et d'être privé de ses livres, d'autant plus qu'il refuse de rentrer à Bayreuth. Pendant le dîner, il demande qu'on l'excuse de son comportement détestable, et il me lance en plaisantant à peine « Je crois que tu me hais. » Je ne réagis pas. Suit une conversation où je dis que la poésie est pour moi un jeu pitoyable et ça le met hors de lui. Il s'en va. Je le suis, je le supplie de m'accorder son pardon. Puis, il retrouve son calme et me dit que je suis tout pour lui et que sans moi, il ne serait rien. Il va se coucher, s'endort enfin pendant que je poursuis l'écriture de mon journal dans l'obscurité. Pleine de chagrin. Quand mon père s'en va, tout revient à la normale, mais une nouvelle dispute éclate entre nous. Un matin, Isolde me confie que Richard a reçu dans sa chambre Carrie Pringle, qui était de passage à Venise, et qu'il s'est fait beau pour la recevoir. C'est l'une des filles fleurs de Parsifal. Je me souviens très bien d'elle. Elle avait trébuché sur scène lors d'une représentation du dernier festival, au moment où les filles fleurs sortaient du jardin enchanté de Klingsor. Puis, il avait passé toute la soirée en sa compagnie. Il m'avait même dit « Si seulement tu étais comme les filles fleurs ». Je comprends maintenant le sous-entendu. Il voulait me dire que je ne pouvais plus le séduire comme une chanteuse. Quand j'apprends ça, je me mets au piano pour étouffer mon chagrin. Je joue pour la première fois devant Siegfried. « Maman, qu'est-ce que tu joues ?» me demande-t-il. Je lui réponds « Un éloge des larmes, mon chéri. » Et de vraies larmes coulent sur mon visage. Vers 2 heures, Richard fait dire de passer à table sans l'attendre. La femme de chambre l'entend soupirer dans la pièce voisine, puis gémir. Soudain, il agite la sonnette et elle se précipite. Puis elle revient en criant « Il demande sa femme et le docteur. Je bondis, comme je ne l'ai jamais fait. Je sors de la pièce à toute allure, me cognant brutalement à une porte entrouverte. Quand j'arrive, il est affaissé derrière son bureau, une plume à la main, l'encre encore humide. Ses yeux sont clos, son béret a glissé de sa tête. Je l'étreins. Il me dit « Ma montre !» Je la ramasse, elle a glissé de sa poche. Des domestiques l'étendent sur son lit. Je m'accroche à ses genoux. Je regarde l'horloge, il est 3h30 de l'après-midi. Je m'assieds à côté du corps, le prends entre mes bras et murmure des mots inaudibles et sans suite. On est le 13 février 1883. Je reste prostré devant le cadavre de Richard pendant 24 heures, me répétant sans cesse la dernière phrase qu'il a écrite. Le processus d'émancipation de la femme se produira seulement dans des convulsions extatiques. Amour. Tragique. C'est le début d'un livre intitulé « De la femme dans l'humanité ». Nul ne sait ce qu'il comptait dire. Voilà, je suis seule au monde. Je suis veuve. Que vais-je devenir? Mes enfants ne m'intéressent plus. Je ne veux plus boire, ni manger, ni voir personne. Je voudrais me noyer dans le Grand Canal. Je voudrais que Karl Ritter soit à mes côtés et mourir avec lui. Ça y est, on frappe à ma porte. Ils entrent. Je les vois. Lui, c'est le docteur. Et l'autre, un peintre russe, Joukovsky. Ils me soutiennent. Je me lève. Je marche péniblement. Le retour à la réalité est brutal. Mes yeux me brûlent. Maintenant, ça sent l'arsenic dans tout le palais. Ils embaument le corps. Puis comme il est temps de rentrer à Bayreuth, je me dissimule dans une des gondoles du cortège funèbre. Elles sont drapées de noir. La voilà enfin la lugubre gondole de mon père. Il m'a envoyé un télégramme pour venir. J'ai refusé de le voir. Je suis dans un train aux fenêtres fermées. Nous faisons une halte à Munich, où une délégation nous attend avec des torches. Et voilà, Bayreuth. Dans toute la ville, il y a des drapeaux noirs. Au moment où le cercueil est déchargé devant le portail de Wanfried, il neige. 12 hommes le portent au fond du jardin. Parmi eux, il y a Hermann Levy, Hans Richter et notre ami banquier. Je marche à la nuit tombée jusqu'au caveau. Là, sous mes yeux qui n'ont toujours pas versé de larmes, le cercueil est mis en terre. La mort de Richard a un retentissement qui dépasse l'Allemagne. Des oraisons funèbres se déroulent dans le monde entier. Une fois dans ma chambre, je m'enferme à double tour et je tire les rideaux. La pénombre, voilà ce qu'il me faut. Je veux aussi du silence. Je ne supporte plus aucun bruit. J'exige que chacun marche sur la pointe des pieds. Personne ne doit toucher au piano. Il y en a un par pièce, dont celui de mon père, assorti d'une chaise bizarre pour l'empêcher de tomber quand, dans sa fougue, il se penche en arrière. Puis, un matin, Daniela m'informe d'une rumeur à propos du festival. Le chef des chœurs aurait suggéré au conseil d'administration que mon père et Hans prennent la succession de Richard. Alors, je quitte ma chambre. Je mets une belle robe noire, hors du temps, et je me rends en fiacre sur la colline. Là, je fais un scandale. Et je hurle à qui veut l'entendre que Wagner n'a laissé qu'un seul testament, fait du nouveau, et que je suis bien décidé à faire respecter ses dernières volontés et qu'il n'y a que moi qui peux diriger le festival à sa place. Tout à coup, je me sens prise d'une énergie violente. Ça fait comme des éclairs dans ma tête. C'est comme si je devenais électrique. Je profite alors d'une représentation de Parsifal pour me cacher dans une loge et je prends des notes. Je constate très vite les difficultés à changer le décor au troisième acte. Je suis attentive au défilé des différents tableaux, tandis que les acteurs restent immobiles. La forêt disparaît, les trois voyageurs s'engagent après avoir franchi des portes dans le rocher. Il y a des galeries, on aperçoit de longues files de chevaliers vêtus de deuil. le son des cloches, la grande salle du bourg dégarnie de ses tables. Tout est lugubre. Cette expérience me décide à prendre en main les répétitions. Répéter, modeler chaque geste des acteurs, insister sur la prononciation des doubles consonnes. Il faut des voix avec un timbre sec. Il faut des déclamations crispées. Tout doit se répliquer par projection, vaporisation. Trouver une façon de dire le texte sur de la musique et non l'inverse. Pas d'exubérance, seulement une accentuation excessive et surtout pas de chant en soi. Il faut que ça vibre conformément à l'acoustique du théâtre. Voilà. La grande fête à laquelle aspirait Richard n'est possible qu'à cette condition. Mais il faut aussi que Bayreuth soit un lieu spirituel. Très vite, je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en spiritualité. Aussitôt, je pense à mon père. Il est la personne idéale, quoi qu'en aurait pensé Richard. Il est le mélange d'un moine et d'une vedette consacrée par des foules en délire. Et il a un respect infini pour l'œuvre de Wagner. Je prends le premier train pour Weimar. Il m'accueille froidement en me faisant remarquer qu'à Bayreuth, il n'a jamais été considéré comme un membre de la famille et encore moins comme un compositeur. Il accepte ma proposition de parrainer le prochain festival. À mon retour, j'apprends la mort de Louis II. Depuis quelques mois, il était en résidence surveillée au château de Berg. J'ai entendu dire qu'il était dément et qu'il était criblé de dettes et que la conséquence de tout cela faisait que la Bavière vacillait économiquement. Bien qu'il ait dépensé de 1864 à 1870 plus de 480 481 marks pour Richard, ce n'était pas sa passion pour l'art qui était la cause de cette crise, mais ses châteaux. Celui de Herrenchiemsee, une copie conforme du château de Versailles, celui de Linderhof, avec dans les jardins un pavillon mauresque et la grotte de Vénus qui évoque Lohengrin, et celui de Neuschwanstein, toujours en chantier. La question se posait donc de l'interner. En attendant, un psychiatre, deux infirmiers et des policiers le suivaient dans tous ses déplacements. On a découvert son corps flottant sur le lac et un peu plus loin, celui du psychiatre, étranglé. Cette mort me renvoie à ma tentative de suicide. Le 23 juillet 1886, les festivités commencent. Mon père est l'invité d'honneur. C'est la première de Parsifal et il se prête à toutes les discussions avec les invités de marque et les critiques d'art. De mon côté, j'accueille la foule habituelle des sportifs en knickerbockers, des évêques et des dames au visage chevalin qui se pressent. Le public est international. Il est considérable, ce qui fait du festival un lieu définitivement chic. Mais mon père est saisi d'une grande fatigue et il se couche, puis il a des convulsions. Les couvertures de son lit s'élèvent et retombent violemment et le 31 juillet, il s'immobilise et son bras gauche pend. Voilà, c'est fini, il est mort. Un grand silence envahit la maison. J'entre dans la pièce et je m'agenouille sans pleurer. Je me couche à ses pieds, puis je vais m'asseoir dans un coin de la chambre et je m'inquiète pour le bon déroulement du festival. En effet, il faut que j'aille au théâtre pour mettre la dernière main à une représentation de Tristan et Isolde. Comme je ne suis pas là pour superviser l'embaumement du corps, le travail est bâclé. Il est boursouflé et son visage est rendu méconnaissable. De plus, il fait une chaleur torride et ça commence à sentir la putréfaction. Le temps presse. Le lendemain, je fais exposer le cercueil à l'entrée de Wanfried et on l'enterre au cimetière municipal. Les jours suivants, un scandale éclate. Certains disent que Wagner fait de l'ombre à mon père. D'autres sont mécontents de ne pas avoir entendu une seule note de leur idole. Une femme me fait même remarquer que la maladie de mon père n'est mentionnée qu'une seule fois dans les journaux. Une autre renchérit en disant que le festival est comme une station thermale où l'on cache la maladie et la mort pour ne pas inspirer aux curistes de pénibles émotions. À cela s'ajoutent les misogynes qui profitent de la situation. Ils disent haut et fort qu'ils ne veulent pas d'une femme à la tête de Bayreuth et la secte des Wagneriens de choc prétendent que j'ai trahi l'âme allemande à cause de mes origines italiennes et françaises. Elles m'en veulent parce que je me bats. Je sais que je n'ai pas la puissante personnalité de Richard, mais j'ai gardé en mémoire les préceptes de la gouvernante russe qui m'a élevée. Si on est blessé, il ne faut jamais le laisser paraître. Il faut savoir être fort et ne jamais pleurer parce que les larmes sont de l'eau inutile. Et il faut prier et en être fier parce que Dieu n'aime pas les gens humbles. J'abats un énorme travail. Pendant 20 ans, je fais donner 252 représentations. Et je dirige 13 festivals. Et je travaille avec 10 chefs différents qui me vénèrent tous. Surtout Hermann Levy et Hans Richter, qui sont mes préférés. Il y a aussi Richard Strauss, un petit nouveau, à qui je confie la direction de Tannhäuser. Depuis peu, Siegfried tient aussi la baguette. Oui, lui, mon fils, sur son estrade, dans ce vaste espace. Lui, devant son pupitre, dont la figure est cachée par la planchette où sont étalées les partitions. De temps en temps, on devine l'expression de son visage, comme il est convaincant et passionné, mon Siegfried. Jamais le festival et la famille ne se sont aussi bien portés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre fortune s'élève à 2,25 millions de marques. Tous les spectacles font recette. On m'informe aussi qu'un Français a rédigé un guide touristique à l'usage des spectateurs, le voyage artistique à Bayreuth. Je ne pense pas que Richard aurait apprécié, étant donné qu'il avait en horreur les touristes et le public des cures thermales. Mais il est tout de même question de pèlerinage. Mais tout a une fin. Et cette fois, je suis vraiment épuisée. Ma vésicule me fait souffrir. Et je fais plusieurs crises cardiaques à répétition. De plus, je suis complètement aveugle. Alors mon médecin m'astreint un long repos. Je fais venir mon fils et je lui dis « Siegfried, qui doit renoncer peut apprendre à renoncer. » Comme il est proche de moi, il comprend qu'il est temps pour lui de prendre ma succession. Mais une mauvaise nouvelle arrive. Le copyright des œuvres de Richard est à expiration et j'apprends que le festival n'aura plus l'exclusivité des représentations. Comment allons-nous vivre si l'on peut voir du Wagner dans le monde entier? Comment ferons-nous si Bayreuth n'est plus l'endroit où l'on montre du Wagner? Aussitôt, je demande une prolongation. J'avance que ces œuvres sont le symbole universel de l'art allemand et de la culture allemande. Mais rien n'y fait. Puis, une nouvelle affaire éclate. Et ça me fait souffrir parce qu'elle est le fait d'Isolde. Elle veut être reconnue officiellement comme une Wagner, non pas pour porter ce nom prestigieux et extraordinaire, mais pour toucher sa part d'héritage évaluée à 5 milliards de marques. En effet, tous mes enfants portent le nom de Bülow, parce qu'ils sont tous nés avant mon divorce d'avec Hans. Je demande à Siegfried d'intervenir. Il lui propose une augmentation de son allocation annuelle et une cure à Davos et une garantie financière pour assurer la sécurité de son fils. Mais elle refuse et lui annonce qu'elle engage une action en justice. À cela s'ajoute la Première Guerre mondiale qui est déclarée au début du festival. Les billets restants sont remboursés pour un montant de 350 000 dollars. Et c'est la ruine. Toute la famille se trouve plongée dans un patriotisme trouble. D'un côté, je me dis que la France a bien mérité cette nouvelle guerre. De l'autre, j'enrage contre ce conflit qui est un crime contre la musique de Richard, m'obligeant à réduire le festival au silence. On est en 1917 et j'ai 80 ans. L'inflation engloutit tout. Ce qui vaut 1000 marques un matin en vaut 6000 le lendemain. Et tout ce qui fait ma fortune, évalué à 7 millions de marques, part en fumée. La nourriture est rationnée et il n'y a plus de charbon à Wanfried. Je me demande comment le festival va repartir. Je me sens impuissante à cause de la défaite de l'Allemagne et de la vieillesse qui me ronge. J'enrage. Les responsabilités de Siegfried augmentent. Il est désespéré. Il ne s'attendait pas à cela. De plus, il est racketté par des gens sans scrupules qui font état de son homosexualité. Pourtant, il s'est justement marié pour n'éveiller aucun soupçon. Cette femme a 30 ans de moins que lui. Elle s'appelle Winifred Williams et on la surnomme Winnie. C'est une orpheline anglaise qui a été adoptée par Carl Klindworth, un élève de mon père. Ils ont 4 enfants, 2 garçons, Wolfgang, Wieland, et 2 filles, Friedelind et Verena. Alors, Siegfried a l'idée de former une commission pour réunir le capital nécessaire. Je l'approuve. À la fin de 1922, 5500 certificats sont vendus et Siegfried entreprend une tournée aux États-Unis. Mais c'est un échec, parce que la presse américaine fait état de l'amitié entre Winnie et le leader fasciste, Hitler. Oui, la femme de Siegfried s'entend très bien avec Hitler. Et alors? Je ne vois pas ce qu'elle lui trouve, mais elle est libre d'apprécier qui elle veut. Je me méfie quand même de son côté agitateur de brasserie avec sa culotte tyrolienne, ses gestes mécaniques et son regard magnétique au-dessus d'une petite moustache. Tant qu'il est gentil, ça ne me dérange pas qu'il vienne à Wanfried. D'ailleurs ici, on le surnomme Wolf, l'oncle Wolf. Winnie l'invite souvent à la maison. Et quand il sera en prison suite à son putsch manqué, elle lui enverra même des colis et des vivres et du papier à lettres à l'entête de Bayreuth pour qu'il puisse écrire un livre qu'il intitulera « Mein Kampf ». Et un jour, elle écrira même une lettre ouverte qu'elle fera publier dans un journal. Elle exagère, sans doute. Mais enfin, c'est à Siegfried de réagir, pas à moi. Puis, Siegfried me fait part de son testament. Il est plus prévoyant que Richard. Il m'annonce qu'il est stipulé qu'en cas de remariage, Winnie devra renoncer à l'héritage du festival. Je lui demande pourquoi il fait ça. Il me répond qu'il craint qu'elle n'épouse Wolf. Je lui dis que Wolf est suffisamment entouré de femmes comme ça, sans qu'il ait des vues sur Winnie. Ça ne le rassure pas. Un matin, je tombe gravement malade. Et cette fois-ci, c'est la fin. Je ne suis plus qu'une vieille femme qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil à roulettes. Je ne sors plus. Je passe mes journées assise devant ma fenêtre au premier étage de la maison. Parfois mes petits-enfants viennent jouer à côté de moi. J'aime les entendre rire. J'écoute aussi les oiseaux du parc. Dans un ultime effort, j'assiste à une répétition de Parsifal à l'occasion de laquelle Siegfried m'apprend qu'il a invité un nouveau chef d'orchestre. Il a pensé à lui pour diriger Tristan et Isolde. Il est italien. Il s'appelle Arturo Toscanini. Il paraît qu'il fuit le régime fasciste de Mussolini, preuve que l'Allemagne est un pays de liberté. Il a fait beaucoup d'enregistrements de concerts et il a aussi participé à des retransmissions radiophoniques avec le Philharmonique de New York et l'Orchestre de la Scala. J'aime cet homme. Il me rappelle Richard. Je meurs en 1930. Les années qui suivent sont terribles pour le festival et Bayreuth. Un jour, les SS font irruption à Bayreuth. En quelques heures, la ville fourmille d'uniformes bleu, vert, noir, brun et blanc. Wolf apparaît en habit officiel à midi dans l'avenue des Festspielhaus. À son passage, la foule crie « Heil Hitler !» Puis il franchit les grilles de Wanfried, où il est accueilli par Winnie, sur les marches de l'escalier conduisant à la porte d'entrée. Alors, c'est l'année 1936, et les répétitions de Parsifal pour le prochain festival se font dans les décors conçus par Wieland. Il a suivi les cours d'une école de peinture à Munich, et il a beaucoup de talent. Lors de cette édition, Wolf est très présent. À peine descendu de l'avion, il est à Wanfried comme chez lui. Tout le secteur est surveillé par sa garde personnelle et les invités de la famille ne peuvent venir qu'accompagnés de 2 SS. Le jour de l'ouverture du festival, ce sera pire. Tout un personnel domestique venu de Berlin prendra possession des lieux et des SS feront des rondes sous les fenêtres. Et comme Wolf ne dort pas la nuit mais le jour, tout le monde parlera à voix basse jusqu'au moment où il ouvrira ses stores. Le ciel de Bayreuth est déclaré zone interdite à l'aviation et des batteries anti-aériennes sont dissimulées sur toutes les hauteurs environnant de la ville. Les officiers de police postés sur chaque route arrêtent les automobiles et questionnent les occupants. Seuls les dirigeants du théâtre et les artistes ayant une relation quelconque avec le festival bénéficient d'une autorisation de libre circulation apposée sur leur pare-brise. Tout dans le comportement de Wolf laisse à penser qu'il convoite la place de directeur artistique. Il dit que tous les opéras allemands devraient être dotés de bâtiments énormes, avec des scènes immenses et une assistance comptant au moins 10 000 personnes. Il ajoute aussi que c'est stupide de n'avoir que des scènes exiguës qui limitent l'action des chanteurs et les jeux de scène. Il se mêle aussi de mise en scène et suggère devant Goebbels et Göring des modifications concernant le second acte de Tristan. Il dit qu'il faut un ciel éclairé par la lune et beaucoup d'étoiles. Il prétend aussi que les filles fleurs de Parsifal paraîtraient bien plus belles si elles étaient nues, et que le Venusberg de Tannhäuser sera en plus émouvant lorsque le nazisme aura élevé les premiers spécimens de sa race supérieure, qui fourniront un ballet nudiste exceptionnel. Qu'avons-nous fait ? 30 ans plus tard, en 1973, Winnie joue son propre rôle dans un film de Hans-Jürgen Seberberg. Elle apparaît le visage maquillé, elle est un peu crispée dans le rire et s'exprime dans une langue cassante. Sans embarras ni culpabilité, elle dit « Si Hitler aujourd'hui se présentait à ma porte, je serais aussi joyeuse de le voir ici que je le fus toujours. » Et ça, après la guerre, quand on parlait de lui, on l'appelait USA, ce qui voulait dire en allemand « Notre bienheureux Adolf » Unser seliger Adolf. La même année, j'apparais dans un film de Luchino Visconti, Ludwig ou le crépuscule des dieux, sous les traits d'une belle actrice italienne, ex-Miss Rome 1946. Dans une scène, j'ouvre ma porte de chambre dans notre maison de Trichen et je découvre une quinzaine de musiciens, des violonistes, qui joue Siegfried Idyll, debout dans les escaliers. Je suis émue dans ma robe de chambre bleue et mes deux petites filles se jettent dans mes bras. Puis une domestique me met un bébé dans les bras. C'est Siegfried. Puis la musique s'arrête et Wagner, qui est à côté du sapin rempli de décorations, me souhaite un joyeux Noël et bon anniversaire. Puis je dis « Nul n'a jamais eu cadeau plus beau ». Alors les enfants descendent les escaliers, embrassent Wagner et ouvrent leurs cadeaux. Et je m'adresse aux musiciens. Jouez encore. C'était « La passion de Madame Wagner » de Christophe Yat, dit par Anouk Grimbert. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Christophe Auquet.